Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claire Goget. Fable de la Fontaine, livre premier, de Jean de la Fontaine. Fable 12. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui de leur chef sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Chiaou, homme des sens, lui dit « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut du monde fournir. Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers du nez. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moi on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue à passer se présente. Me voilà saisi d'éréchef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha. L'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi, de votre empereur et d'une autre. » Fin de la fable 12. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues.